every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Hey yo, le monde me dit pas, c'est quand tu vas te prendre au sérieux. Après un long silence, il faut lire la réponse dans mes yeux. La peur de devenir vieux, des responsabilités en jeu. C'est pas pour rien que je trouve chaque fois que la foule est en feu. Le stage comme un podium, un tremplin pour les hommes qui vivent pour un public, qui vivra chaque fois que tu performes. On soulage nos douleurs et nos ennuis le long d'une feuille blanche. C'est pas pour rien que je suis toujours en train de chanter le monde change. Vis la vie à une fin, qui sait ça pourrait être demain. Plein de fous qui courent les rues, qui violent, qui piquent des sacs à main. Un quartier sans lumière, un jeune qui joue sous la poussière. Observant son grand frère emporté par une policière. Dans le fond, je me sens choyé, soyez prudent, faut pas se noyer. Il s'agit d'un faux pas pour que tu te retrouves le cœur broyé. Yo, le monde me dit, c'est pas c'est quand tu vas te prendre au sérieux. Quand je vois tout ça, je me compte parmi ceux qui sont chanceux. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Oh, every day is a new fight. So chaque matin, j'enfile mes grandes boxes puis je lève la tête. Le combat durera des années avec un seul round. Un peu de crowd, puis des ennemis all around. Tous les coups seront permis, même ceux qui vont en dessous de la ceinture. Un peu d'inattention, puis tout devient rouge, puis c'est pas de la peinture. C'est la réalité, yo, c'est ta vie, no joke. T'es mieux de le réaliser, ça finit comme une smoke. Tu te retrouves au plancher, inactif, puis sans défense. Ton combat est terminé, car tu pensais juste à l'offense. Puis quand tu ouvres les yeux, le compte de 10 est terminé. Au lieu d'être le new champion, t'es parmi les gens au milieu. J'avoue que c'était juste, mais yo, ça fait partie de la game. Dépendant de ta carrière, tu peux finir au Hall of Fame. Comme une légende, no doubt. Tu as pas eu peur de faire sa marque. Comme une légende, no doubt. Avec des fleurs devant sa plaque. Hey yo, le monde me dit, c'est pas c'est quand tu vas te prendre au sérieux. Je leur dis, j'ai le goût d'enlever mes gants parce que j'aime pas le jeu. Je leur dis, j'ai le goût d'enlever mes gants parce que j'aime pas le jeu. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light. Every day is a new fight. Darkness is all day and all night. Oh, oh, I need to get over it. I pray the Lord to see the light.